K2S qui sert. C'est les rares. SPYK. Ouais, ouais. Long Beach Saga. C'était Bergen. Très énervé. Check ça. Check ça. 90 districts, c'est le western. Ambiance terne. Les keufs laissent jamais leurs flingues au vestiaire. 9-1-7 heures sur le globe terrestre. Marche de gras et les restes. Même en survêt, claquette, on a trop de style. On veut la recette, des bonnes recettes sur 7. Mon majeur se dresse. Rasse pas le recel, le cœur chaud comme la braise. Quand je te dis c'est cool, c'est cool. C'est que le shit c'est cool, chacun pèse ses coups. Mais quand même, je dis vite comme si cool. Pas de blabla, moi je parle pas. Je te donne pas, si dans la rue ton fiston m'appelle papa. Plus de temps de dormir, vu que trop de rage en nous sommeil. Pendant que les jeunes ont le seum, consomment, dissomment leur seul calcium. Le monde est sale, alors je prends garde, on met un regard. Les salopes d'aujourd'hui seront les merdes de demain. Sous-cellés en banlieue, rien d'autre à visiter de ma cave. Mon cas s'aggrave comme le trou de rame dans mon crâne. C'est pour mes cassos, pas pour ceux qui sucent. Ma rue c'est pas grave, y'a aucune issue. J'suis très énervé, oh Mike, j'suis armé. Comme c'est pas permis, marche une terminée. C'est pour mes cassos, pas pour ceux qui sucent. Ma rue c'est bagarre, y'a aucune issue. J'suis très énervé, oh Mike, j'suis armé. Rap comme c'est pas permis, marche sur une terminée. Verrouille ta véranda, t'as affaire à des vandales. Rétab, héritage et chat, la recherche d'affaires rentables. J'me méfie car les civils ont des allures de gars et les portes fermées. Seule celle de la maison d'arrêt t'accueille. Fini de taper le ballon, mes straps, squat mes ballons, tous mes bistons ballons. Sans nous les keufs n'auraient plus de boulot. J'ai l'équipe d'enfoirés, référés, déférés pour faire réel. Dans ma ruelle, devenu pire que le Far West. Dans tout ça, faut que le bif rentre vite. Rentre vite, tant de barreaux de le prendre vite. En fuite avec mon joint d'huit. Nique les bouffeurs beignets, mon taf à moi c'est charbonnier. Tu connais, enfile le bonnet et les charbonnets. Et se rebattre dans les gènes, l'âme dans le jean. J'marche avec le seum dans cet état où les jeunes gênent. Trop de GRN, j'arrive dans l'arène. Ou de la reine pour baiser la race aryenne par la reine. C'est pour mes cassos, pas pour ceux qui sucent. Ma rue c'est bagarre, y'a aucune issue. J'suis très énervé, oh Mike, j'suis armé. Rap comme c'est pas permis, marche sur une terminée. C'est pour mes cassos, pas pour ceux qui sucent. Ma rue c'est bagarre, y'a aucune issue. J'suis très énervé, oh Mike, j'suis armé. Rap comme c'est pas permis, marche sur une terminée. Survie, c'est pas grâce à l'espoir, mais au respect. J'suis un scélérat de la pire espèce qui veut l'espèce. Les filles gueulent qu'on saute, écoute sur les ondes. Quand j'rappe, c'est dans la poche comme ta conso. Rime en avalanche, anti-balance, comme plus de phalanche. Lynche le mic, pas besoin de featuring pour laver mon linge. Face qui fâche, anti-fâche, qui se tape, qui fâche. Stylo comme calibre, mon équipage, anti-lépage. C'est le bordel mortel, comme avoir le port d'armes. J'suis en bas d'échelle pour franchir le portail. J'aime quand le blé rentre fissa. Partout où j'suis, j'piche trappe. Partout où j'serai, le visera. Représente ces bergangs, même quand j'serai bergrand. Quand on discute, pis on parle tous la même langue. T'avises pas de nous recaler, la rage dans mes intercalaires. Représente l'intergalère, jusqu'à nu leur qu'elle est. MC Brood, j'm'exécute coûte que coûte. Dans mon élan, j'bute sous mélange de rhum et de blunt d'orange bud. C'est pour mes cassos, pas pour ceux qui sucent. Ma rue c'est pas grave, y'a aucune issue. J'suis très énervé, oh Mike, j'suis armé.